Ce soir-là, tu rentrais de la raffinerie. C'était pas un soir comme les autres. Tant d'années habitées par tant de routines, pour si peu d'estime. Fini, usé, rouillé, on t'avait remercié. Et l'envie de crier, tu gardais ça dans ta peau. Tant d'années à rêver de pouvoir t'en sortir. T'aurais peut-être voulu cacher mieux ta blessure. Ta sueur valait plus cher que tout le pétrole qu'on te faisait. Jamais compris qu'on t'avait blessé. C'était autre chose que la cicatrice sur ton bras gauche. Mais ça venait des mêmes tours de ciment, des mêmes géants qui vomissent leur mazout dans le Saint-Laurent. C'était une nuit où personne ne dormait, pour danser pas le silence qui manquait. C'était une nuit où chacun gardait l'autre à l'abri du vent, du froid, des océans de ciment. Ta sueur valait plus cher que tout le pétrole qu'on te faisait raffiner à longueur. Pour toi.